Depuis que je veux rendre ma famille fière, j'ai arrêté la play pour libérer le potentiel. L'attitude s'effoque, la flemme, et je reste chanceux. Chaque année je chope la fève, crachat de feu. Trop fort, je suis chaud comme la braise. Je sais que si je parviens à faire montre de mon potentiel, un jour on me verra grand, comme le soleil dans le ciel. En attendant, je fais ma musique, je veux pas les faire danser. Et puis j'agis comme si j'étais resté censé. Rester censé. J'ai besoin de mon potentiel, comme du soleil dans le ciel. Est-ce qu'on me verrait pareil si je montrais que je suis sensible? La vie à quoi ça sert quand on l'a vécu sensible? Je sais pas comment vivre, je les ai déjà tous devancés. Je vois même que je finirai en enfer, je l'avais déjà annoncé. Tant de gens que je ne compte jamais remercier. Est-ce que je dois l'aborder ou attendre qu'elle me fasse un signe? Dans cette vie, rien ne sert de mentir. Je le dis comme si j'étais vraiment sincère. Comme si j'étais sincère. La vie, à quoi ça sert? Je sais pas comment vivre. Est-ce qu'on me verrait pareil si je montrais que je suis sensible? Plus j'avance, plus j'ai l'impression que la vie s'empire. Mais je continue la route calmement et ça va sans dire. La seule chose qui me manque, c'est une compagne. Chaque jour je l'ai ressenti. Je suis à sa recherche, toujours jusqu'à ce qu'on m'enterre. Je sais que c'est elle, cette fille qui causera mon éveil. T'es si belle, la seule personne que je vois dans mes rêves. Je me dis que je serai meilleur si je pense à toi dès mon réveil. Et puis je m'active comme si j'avais toujours vécu sans cerne. Ou bien vécu sans cesse. Ou bien vécu sans stress. La vie, à quoi ça sert? Je me demande tous les jours si je suis sincère. Mais je me dis que je peux être meilleur chaque fois que je pense à toi. T'es la seule personne que j'admire, la seule qui crue en moi. J'ai besoin de finir dans tes bras. Océane, sache que je n'aime que toi.